nanga Tango guna yende na swiba moya ngona tata ni na tango yo lisusu Azamonene, azamonene Nako kisa yo na nani ye Na mwona nanga inza melokona yote Batengi nanga batango na bango Nako tanga nzambo yanga Azamonene, azalikolo, azamosantu Abiki sanga, alimbi sanga Il a changé ma vie Ceux qui me connaissaient l'autre temps Lorsqu'ils me regardent, ils se disent Qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie Oh, je témoigne que c'est Jésus Jésus, Jésus, Jésus Lorsqu'il entre dans ta vie, les choses ne sont plus jamais les mêmes. Tu ne ressembleras plus à celui ou celle que tu étais hier. Yes, wango, akati makamango, maladeza kolongwanzo tonayo. Lelo disusu, oza kotatola, yonde obota kite okobota disusu. Malabaki, oko balate, tala, misonayo nikolo, esika yawe, asalie, yawo, abongo la kama ina vino, nako kisa yo na nani, nako kanana yo na nani, yawe lokola yo, asalite, oyo, asana maladi atatola, komo na yesu akobike, se baba, À la place de la maladie, dis le nom de Jésus. À la place d'infertilité, dis le nom de Jésus. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, c'est lui que nous proclamons, ses esprits.